vis-à-vis de d'une part Karl, donc l'ami d'enfance, avec qui il semble y avoir eu quelques rapports, et notamment autour d'une jeune femme qui retrouve sur Terre, dont j'ai oublié le prénom, qui est un peu l'amour de Duncan et puis peut-être de Karl aussi. Et donc sur Terre, il y a des références multiples à ça. Sinon, Duncan se retrouve à vouloir se faire un double, comme son père, comme son grand-père, et il va voir le même médecin que Colin et Malcolm avaient été voir il y a plus de 50 ans pour le premier, et puis quelques décennies déjà pour le deuxième. Et là, le médecin, éminent spécialiste du clonage, refuse. En fait, il invoque des raisons éthiques assez intéressantes. Il dit que si c'est uniquement une sorte de prolongement de la puissance, et donc quelque chose qui n'est pas fait pour des raisons thérapeutiques, par exemple la possibilité de se reproduire, ou pour corriger plutôt, oui, pour corriger un gène. Parce que au fond, Duncan est dans l'impossibilité de corriger le gène qui fait que s'il avait un enfant avec une femme, il aurait très peu de chances de survivre. À partir de là, moi je trouvais que c'était plutôt une bonne raison, mais de pratiquer le clonage, mais a priori non. Bon, en tout cas, Duncan est très surpris. Il essaye d'en savoir plus et il apprend que cet homme, le spécialiste du clonage, a eu un jeune collaborateur, qui s'entendaient très bien, qui travaillaient ensemble, jusqu'à ce qu'ils finissent par diverger sur les solutions à adopter. En fait, bon, c'est l'ambition du jeune qui a frotté, qui a effrité, qui a gêné l'ambition du vieux. L'ambition, ou du moins la volonté de garder son statut. Donc Duncan, apprenant cela, eh bien, il va voir tout naturellement le jeune, qui se trouve sur une île, je crois que c'est du côté de Madagascar. En tout cas, je crois que c'est sur une île ou la côte africaine, mais de l'Est de l'Afrique, sur l'océan Indien. Là, qu'est-ce qui est dit? Il rencontre des mères porteuses, parce qu'effectivement, c'est un espèce de grand centre de reproduction, où des femmes servent uniquement à porter des bébés avec lesquels elles n'ont aucun lien génétique. Et ces femmes sont... Alors là, c'est assez amusant. Elles seraient des sortes de vieilles filles qui voudraient quand même connaître la maternité tout en sachant qu'on leur retirait leur enfant. Ça, c'est quand même un peu amusant. En gros, c'était presque un... C'était un problème moral, je crois, pour la société de cette époque-là. Mais dès lors que la femme, de toute façon, n'est pas mariée et puis n'avait aucun espoir, alors là, le aucun espoir, il est déjà sujet à caution, je trouve, mais bref, aucun espoir d'enfanter par la voie normale, en rencontrant un homme et en procréant, eh bien là, et ben ces femmes-là ont une deuxième chance, une chance quand même un peu dérisoire, parce que porter un enfant sans espérer le garder ensuite, c'est quand même un peu terrible. Donc, alors il est dit aussi que ces femmes sont laides, hein, c'est une des raisons principales qui font que elles se retrouvent seules. Alors, par contre, si j'ai bien compris, il n'y a plus de défauts génétiques chez les gens, car ils sont tous corrigés très tôt dans la vie de l'individu. Donc c'est pas des femmes qui ont des problèmes, mais enfin, en tout cas, elles sont laides. Alors Duncan se rend compte que les mœurs sont très libérées là-bas. Il y a une belle séance où où il pratique la plongée sous-marine pour la première fois. Ah, pour un habitant d'une planète comme Titan, c'est une véritable, c'est une expérience époustouflante. Donc il pratique ça. Non, ça ne s'appesantit pas trop non plus. Au passage, on apprend que l'homme avait créé des coraux capables de synthétiser tout l'or nécessaire. Enfin, tout l'or nécessaire. Capable de synthétiser beaucoup de matières différentes, dont l'or. Mais peu de temps après cette découverte et le début de fabrique de coraux dédiés à cette tâche de fabriquer de l'or, eh bien, l'homme a été capable de synthétiser tout ce qu'il voulait. Un peu mon rêve éternel, c'est-à-dire on peut transformer l'énergie en théorie, toute recombinaison de la matière. Donc, en partant de l'énergie, on peut faire n'importe quelle matière. Bon, voilà. Toujours le mythe de la pierre philosophale. D'ailleurs, il est dit que ces coraux, quand même, ont presque tous été détruits, donc depuis qu'ils ne sont plus nécessaires. De toute façon, c'était des coraux très fragiles parce que ils ne sont. C'était une sorte de tare qui avait été créée génétiquement pour qu'ils puissent produire de l'or. Donc, ils étaient fragiles et en mauvaise santé. Cela dit, donc, les seuls coraux qui restent au monde sont ceux de la clinique où Duncan peut se faire cloner. Ensuite, Duncan quitte cette île. Et là, il y a l'histoire de la Titanite. Alors en gros, Duncan soupçonne Carl de faire de la contrebande, il est donc illégal, de Titanite. Il se rend compte qu'il est sur Terre, alors qu'il le croyait près de Titan, près de Saturne. Et il se rend compte qu'il est chez cette femme, la femme dont je me souviens toujours pas du prénom. Donc, il y a une forme de jalousie chez Duncan qu'elle ne lui a pas dit alors qu'il l'a aperçue, mais il comprend maintenant son comportement bizarre depuis qu'il avait atterri. Et l'enquête continue. Une fin que je n'ai pas trop appréciée pour Terre, planète impériale. J'ai trouvé que c'était un peu sans queue ni tête. Alors, il est vrai que j'ai lu ça sur une trop longue période. Entrecoupé, bon, mais je n'ai pas apprécié. Que se passe-t-il en fait? Le fameux rival du héros, en fait, essayait de mettre au point un super télescope spatial pour écouter des ondes extraterrestres. Il avait financé ça effectivement par un trafic de pierres précieuses venant de Titan ou d'un autre satellite de Saturne. Quand Malcolm est allé le voir, ils ont commencé à s'expliquer, mais il n'a pas eu le temps de lui expliquer. Il est tombé, il est mort. Donc le rival. Il a aussi à nouveau une petite aventure sexuelle avec son ex, qui était aussi l'ami du rival. Bon, il se passe pas grand-chose pour autant. A priori, il retourne sur l'île où il y a le médecin arabe qui fait le clonage. A priori, il réfléchit beaucoup à cet endroit-là, bon, à la vie, tout ça. Bon, finalement, il retourne sur Titan et avec un bébé. Et quand on décrit le bébé à la dernière phrase du livre en disant qu'il a des mèches blondes, alors j'ai l'impression que ça veut tout dire, que ça veut dire que c'est pas un clone, qu'il a adopté un bébé. Bon. Voilà, il y a une réflexion aussi sur l'espace, sur le fait, qui serait effective. Est-ce que l'homme est prêt à recevoir les informations venues de l'espace? C'est toujours un peu la même question que dans 2001, finalement. Mais moins creusé cette fois. Bon. La fin n'est peut-être pas à retenir. J'ai peut-être très mal lu également. Mais bon, voilà. Donc, globalement, pas très positif. En tout cas, pas suffisamment pour m'avoir tenu en haleine, c'est certain. Voilà. C'est tout pour Terre, planète impériale d'Arthur C. Clarke.